franceinter.fr. Au moment où Alep, la deuxième ville syrienne, retombe entre les mains de l'armée de Bachar al-Assad et de ses alliés, et à quel prix ? Au lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, alors que le meurtrier invoque une vengeance liée au sort d'Alep, justement. Au lendemain du vote à l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'envoi d'observateurs afin de garantir l'évacuation des quartiers d'Alep, et au moment où la Russie, l'Iran et la Turquie se réunissent aujourd'hui même pour dessiner l'avenir immédiat de la Syrie, Affaires Sensibles vous propose de revenir sur ce que Barack Obama avait appelé la ligne rouge, ce plafond de verre qu'il ne tolérerait pas en Syrie s'il était franchi, l'utilisation d'armes chimiques. On connaît la suite. Ce récit sur la ligne rouge avait été diffusé le 8 mars dernier dans le cadre de cette émission. Depuis, le martyre des habitants d'Alep n'a pas cessé et ce retrait des États-Unis a laissé le champ libre aux forces de l'armée syrienne et ses supplétifs iraniens et libanais entre autres, avec le soutien évidemment puissant de Moscou. Or, c'est contre une cité libérée de Daesh en janvier 2014 que Bachar al-Assad et ses alliés se sont acharnés. Car pour le pouvoir syrien, la cible, ce sont ces révolutionnaires de la première heure, finalement, ceux qui voulaient renverser sa dictature, d'où le nom que leur donne Damas, les rebelles. Pendant ce temps, paradoxe de cette guerre civile en Syrie, Daesh reprend Palmyre et comme d'habitude, les populations civiles paient l'addition jusqu'au bout de l'horreur qui aujourd'hui porte un nom, Alep. Notre invité, Ala Kodmani, journaliste à Libération, notre partenaire, un journal très présent sur la couverture de ces événements en Syrie avec plusieurs unes sur le sujet ces derniers jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Laure Grand-Besançon, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Sacha Trop. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Printemps 2013, Routa, banlieue de Damas. En arabe, Routa signifie « oasis ». Il fut un temps où cette ville était le croissant fertile de la capitale syrienne. Désormais, c'est un épicentre de la guerre en Syrie entre les fidèles du régime et ses opposants. Ici, dans un dédale d'immeubles en ruine, civils et combattants vivent reclus, sans eau ni électricité, que le régime a préféré couper. Assiégés, ils sont sur la ligne de front, la plus proche en tout cas du pouvoir et de Bachar al-Assad. Voilà 2 ans que la révolte a éclaté en Syrie. 2 ans au cours desquels les manifestants sont devenus révolutionnaires, puis soldats, et qu'ils espèrent que les despotes comme en Tunisie ou en Égypte vont quitter le pouvoir et laisser place au changement. En Syrie, tout a commencé au printemps 2011. Pourtant interdit en raison d'un état d'urgence devenu permanent, les premiers appels à manifester sont postés en mars sur Facebook. Dès les premiers rassemblements, la mobilisation entraîne la répression. À Dera, au sud du pays, près de la frontière jordanienne, des adolescents sont arrêtés pour avoir inscrit sur des murs un graffiti où l'on pouvait lire « Le peuple veut la chute du régime ». Le 23 mars 2011, une manifestation qui réclamait la libération de ses enfants s'est finie par la mort d'une dizaine de manifestants. 10 jours plus tard, les gamins sont libérés après avoir été torturés. Malgré les coups, malgré les morts, le mouvement s'amplifie et s'organise. En juillet 2011, une armée syrienne libre voit le jour. L'opposition politique prend également un visage et un nom avec la création du Conseil national syrien à Istanbul. Ce même mois, les dirigeants anglais, américains, allemands et français demandent le départ de Bachar al-Assad. Moscou, suivi par la Chine, refuse en revanche toute résolution de l'ONU sur la situation en Syrie. Pour l'instant, les diplomates restent à distance du chaos syrien. Durant l'année 2012, un an après le début du soulèvement, la crise se militarise avec un nombre croissant de victimes. La répression du régime est de plus en plus féroce, comme dans la ville de Houla, au nord de Homs, où le 25 mai 2012, plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants, sont assassinées par les troupes et milices du gouvernement syrien. Un mois après ce drame, l'armée syrienne libre lance une vaste offensive au cœur de Damas et d'Alep. La guerre urbaine débute. À Alors que les combats font rage, le 23 juillet 2012, le gouvernement syrien, par la voix de Djihad Makdisi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, menace. Tous les stocks d'armes non conventionnelles ou d'armes chimiques ne seront jamais, jamais utilisés contre les civils et les citoyens syriens, quelle que soit l'évolution de la crise. Tous ces stocks d'armes sont sous la surveillance étroite des forces armées syriennes. Ces armes ne seront utilisées que si la République arabe de Syrie fait face à une agression extérieure. Ce sont les généraux qui décideront quand et comment les utiliser. Après des semaines de rumeurs, le régime syrien confirme qu'il possède un stock d'armes chimiques. Un mois plus tard, le président américain répond à cette menace. Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle des armes chimiques ou biologiques tomberaient dans les mains de mauvaises personnes. Nous avons fait savoir de façon claire au régime d'Assad et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous. Si nous commencions à voir des armes chimiques déplacées ou utilisées, cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation. Thank you, everybody. Barack Obama prend acte devant la communauté internationale et auprès du peuple syrien qu'une ligne rouge est désormais tracée. Toute utilisation d'armes chimiques aura des conséquences. Mais jusqu'où ira le président américain? Sera-t-il suivi? Quelle sera la réaction de la communauté internationale en cas de crime à l'arme chimique? Avril 2013, quartier Jobar, à Damas. La nuit, sur les toits, on peut voir deux mondes qui se font face. À l'ouest de la ville, du palais présidentiel jusqu'à la place des Abbassides, les quartiers sont illuminés. Dans la périphérie, sur la route A, c'est l'obscurité qui règne. En ce printemps 2013, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock sont les premiers journalistes à rejoindre Jobar. Partis quelques semaines plus tôt de France pour le journal Le Monde, ils arrivent pour deux mois d'enquête auprès des opposants à Bachar al-Assad. Aux alentours de la capitale, les positions de chaque camp se sont fixées. Les forces gouvernementales tiennent le mont Kassioun qui surplombe la ville, mais aussi les principaux axes routiers et l'arrière des plaines de la Routa que les rebelles, eux, contrôlent. Jobar est la ligne de front la plus avancée au port du régime. Pour l'atteindre, on doit traverser des immeubles, suivre des flèches, enjamber mur après mur des dizaines d'appartements. De ces maisons percées, la vie s'est peu à peu échappée. Seule la guerre et la mort y ont trouvé domicile. Au sein d'une des katibas de Jobar, les deux journalistes français découvrent le quotidien de ces combattants, jeunes étudiants ou anciens soldats de l'armée. Un quotidien qui charrie son cortège de blessés que l'on transporte à la va-vite à l'aide d'un linge ou d'un matelas abandonné. Et puis un jour, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock rencontrent l'ennemi invisible. Cette révolution est une révolte orpheline. Personne ne nous a aidés. On veut que d'autres pays nous soutiennent. Regarde, là où on est assis, et eux, ils sont en train de nous bombarder. C'est rien, mais apporte-nous des masques. Ce salaud nous balance des armes chimiques. On a entendu une explosion et on a senti l'odeur. Tout de suite, on a eu du mal à respirer. On voyait flou. Et on avait des maux de tête. Mais Dieu merci, on se sent mieux maintenant. L'utilisation d'armes chimiques n'était pour l'heure qu'une rumeur que l'on tenait des réfugiés et des combattants. En septembre 2012, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel rapporte que des essais auraient été effectués à l'est d'Alep en août. En décembre 2012, nouvelle alerte. À Homs, à la veille de Noël, dans le quartier d'Al-Bayada, des armes chimiques auraient été utilisées. Ces gaz auraient provoqué la mort de plusieurs personnes. Alors, une mission d'enquête de l'ONU demandée par la France, le Royaume-Uni et les USA est ouverte le 21 mars 2013. Mission dont Bachar al-Assad refuse la tenue et l'accueil dans son pays. Un mois après l'ouverture de cette enquête, à Jobard, Jean-Philippe Rémy et Laurent Vanderstock découvrent cette arme sans odeur qui touche l'intérieur des corps sans laisser de blessures apparentes. Au sein des Katibas, côté des armes et des munitions, les rebelles de la banlieue de Damas doivent se munir de masques à gaz afin d'éviter les effets des explosifs chimiques du gouvernement. Les civils, eux, ne peuvent se protéger. C'est dans les couloirs des hôpitaux de fortune que d'autres voix témoignent du quotidien des attaques au gaz. C'est le cas du docteur Hassan, du centre médical de Kafr Batna, que les deux journalistes du Monde ont rencontré. Environ 20 patients sont arrivés de Jobar, civils et combattants. Ils se plaignaient d'avoir du mal à respirer. Ils avaient des rougeurs, les yeux rouges et les pupilles contractées. Ils souffraient de nausées, de vomissements et certains toussaient du sang. J'ai traité ces patients et une heure après, j'ai ressenti les mêmes symptômes. J'ai été traité à l'atropine, à l'hydrocortisone, on m'a mis un masque à oxygène. Et après une heure de ce traitement, je me suis senti mieux. Le 27 mai 2012, après leur retour, Le Monde publie l'enquête des deux journalistes, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Dans leur bagage, ils ont aussi rapporté 21 échantillons de vêtements, de cheveux, de sang et d'urine. Prélevés dans un centre médical dans la région de Damas, à Kafr Batna, ils sont transmis le 18 mai au Centre d'études français du Boucher, seul laboratoire en France équipé et certifié dans le domaine des armes chimiques. Le 4 juin, c'est par un communiqué du ministère des Affaires étrangères que l'on apprend le résultat de ces analyses. Le ministère déclare « La France a désormais la certitude que le gaz sarin a été utilisé en Syrie à plusieurs reprises et de façon localisée ». Mais quelle sera la réaction de la communauté internationale? Alors que les preuves s'accumulent, Bachar al-Assad accepte d'inviter deux hauts responsables de l'ONU afin de déterminer les conditions d'une enquête sur le terrain. Le 26 juillet, un accord est conclu. Des responsables des Nations Unies se rendront sur place pour enquêter sur trois sites où l'utilisation d'armes chimiques a été signalée. Le 17 août 2013, cette délégation de l'ONU est sur place. Trois jours plus tard, en pleine nuit, à quelques kilomètres d'eux, dans la Routa, le monstre invisible réapparaît. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août, alors que des enquêteurs de l'ONU sont à Damas, vers 2h du matin, des missiles et des obus de mortier munis de charges neurotoxiques s'abattent sur la banlieue de la capitale, dans les quartiers de la Routa orientale et occidentale. Horreur. Dans la guerre conventionnelle, on peut se cacher et trouver un refuge pour éviter un obus, une balle. Ce soir-là, pour les civils et combattants, la fuite est impossible. Alors, sans bruit, la mort imprègne les vêtements, puis s'infiltre dans les corps. Les yeux brûlent, tout comme la poitrine, l'air s'alourdit. Un survivant se souvient de cette nuit de cauchemar, dans le documentaire « Le souffle de la guerre chimique » de Fabienne Lipdima. Le jour de l'attaque, les missiles qui nous lançaient ne faisaient pas beaucoup de bruit, et ils explosaient dans le ciel. Quand on a vu ça, on est sorti pour voir ce qui se passait. On se demandait ce que c'était. On croyait que c'était des faux missiles donnés par la Russie. On s'est même dit que c'était des armes périmées. Et même, on en riait. Devant moi, trois personnes ont été tout de suite touchées. Elles se traînaient par terre en hurlant. On voyait bien qu'elles ne pouvaient plus respirer. On croyait qu'elles exagéraient. On ne s'attendait pas à ce que les armes chimiques aient un tel effet. Après avoir sorti les six cadavres, j'ai cherché mon frère et mes deux cousins, mais je ne les ai pas trouvés. Alors j'ai enlevé mon masque de chiffon et j'ai essayé de respirer, mais il n'y avait plus d'air. Ensuite, mes mains se sont contractées nerveusement. J'ai essayé de résister, mais j'avais l'impression que mes doigts allaient s'arracher. Mes pieds aussi se contractaient. Puis j'ai senti qu'on me transportait. Un véhicule m'a emmené et j'ai perdu connaissance. « Quelques heures après l'attaque, caméra au point, des rebelles filment dans les hôpitaux de fortune les victimes qui agonisent. Sur ces vidéos, on voit des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sans blessures apparentes, mais le corps meurtri par un mal qui ronge de l'intérieur. Torse nu, allongé sur des lits ou sur des sols, des infirmiers tentent de maintenir en vie les victimes grâce à des masques à oxygène. Les autres, les yeux grands ouverts, semblent absents, paralysés. Deux jours après l'attaque, les quartiers sont une nouvelle fois bombardés, non pas pour tuer, mais pour effacer l'épreuve. Des salles de rédaction au ministère, les images font le tour du monde. Lors d'une conférence de presse, Georges Sabra, un dirigeant de l'opposition syrienne, estime le nombre des victimes à 1400. Si le chiffre est confirmé, il s'agit du massacre le plus important depuis celui de Arabja en Irak en mars 1988, où environ 5000 Kurdes ont été assassinés lors d'attaques chimiques. Au Quai d'Orsay, dans le bureau du nouveau directeur de cabinet, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Éric Chevalier, fait défiler les photos et vidéos sur sa tablette. Après le choc, le travail des diplomates consiste à rassembler les preuves, mesurer l'ampleur de l'attaque et cibler l'origine de ces frappes. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute. Bachar al-Assad a franchi la ligne rouge, comme le sous-entend Jean-Pierre Filiu, chercheur, historien, spécialiste du monde arabe, sur l'antenne de France Inter. Jean-Pierre Filiu, est-ce que nous avons vécu un tournant hier dans le conflit syrien ? Il faut comprendre que j'étais à Alep le mois dernier et que toute la population dans les zones contrôlées par les forces révolutionnaires s'attendait à une attaque massive par les armes chimiques de la part du régime et donc avait préparé des installations de fortune comme le docteur El Moufti en a témoigné avec une sobriété tout à fait admirable. Il n'y a aucun doute pour la population syrienne que Bachar el-Assad ne reculera devant rien pour ne rien concéder et qu'il est prêt effectivement à lâcher des armes chimiques sur cette population. Mais je dirais que la question n'est même plus là. De toute façon, nous savons qu'il y a des centaines de morts, sans doute plus de 1000. Qu'ils aient été perpétrés par des armes chimiques ou pas, ne change rien au fait que nous sommes face à un crime contre l'humanité et que personne ne fait rien. Au même moment, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Laurent Fabius prend acte et demande une réaction de force. Toute la journée, dans les coulisses du pouvoir, entre les Quai d'Orsay et la cellule diplomatique de l'Élysée, on met en place la stratégie à venir. Car un an, jour pour jour, après le discours de Barack Obama, la ligne rouge a été franchie. Au lendemain de l'attaque, la question n'est donc plus de savoir si la communauté va réagir, mais quand et comment. مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير لو حتى قلبي تا لو حتى يصرخ لو حتى قلبي تا لو حتى يصرخ طول ما بينا حياة طول ما بينا حياة قلبي رافض يسمع قلبي رافض Dimanche 26 août 2013, 5 jours après l'attaque de la Ghouta, les inspecteurs de l'ONU obtiennent l'autorisation par le régime de se rendre sur le site de l'attaque chimique présumée pour l'heure. Le même jour, l'ONG française Médecins Sans Frontières annonce la mort dans les hôpitaux de 355 patients présentant des symptômes neurotoxiques sur les 36 000 personnes traitées après l'attaque de la Ghouta. Le lendemain, le 27 août, devant la conférence des ambassadeurs, le président français François Hollande annonce qu'il faut punir le régime. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'une autre nature encore. C'est de rechercher la riposte la plus appropriée aux exactions du régime syrien. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Demain, je réunirai un conseil de défense et le Parlement sera informé de la situation dans les meilleurs délais. Par ailleurs, j'ai décidé d'accroître notre soutien militaire à la coalition nationale syrienne dans le respect de nos engagements européens. Le choc des images et les condamnations, il faut faire accepter par l'opinion le choix d'une réponse militaire face aux crimes du régime syrien. En France, en tant que chef des armées, le président décide seul en la matière. Il n'a aucune obligation d'informer les élus avant le troisième jour qui suit le déclenchement des opérations. La seule obligation de notre monarque républicain est d'obtenir, dans les 4 mois, un vote pour le maintien ou non de l'opération en cours. En Angleterre, le Premier ministre n'a pas obligation non plus de soumettre son projet aux députés, mais il est de tradition qu'il le fasse. C'est un régime parlementaire. C'est pourquoi, le 27 août, David Cameron, le Premier ministre anglais, convoque en urgence la Chambre des communes pour un vote sur la participation de son pays à une intervention militaire. Mais 10 ans après la guerre en Irak, l'opinion britannique est devenue méfiante. À la Ghouta, en attendant que le Parlement anglais vote, les voitures blanches de l'ONU arrivent dans la banlieue de Damas où les attaques ont eu lieu. Les inspecteurs sont munis de masques à gaz, affublés de petites caméras fixées sur la tête et le corps recouvert de toutes parts. Ils collectent les preuves matérielles et s'entretiennent avec des témoins survivants. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de là, les parlementaires anglais disent non aux frappes contre le régime de Bachar al-Assad avec une courte majorité de 13 voix. Au lendemain du refus anglais, lors d'une conférence de presse, John Kerry réaffirme toute la détermination des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine présente un rapport de 4 pages des services de renseignement qu'il rend public. Il affirme que l'attaque de la Ghouta a été sciemment préparée. Il parle d'un nombre de victimes d'au moins 1400 Syriens, dont plus de 400 enfants. Pour lui, l'attaque de la Ghouta est un crime contre l'humanité. Et il conclut son réquisitoire par ces mots: nous savons qu'après une décennie de conflits, le peuple américain est fatigué de la guerre. Croyez-moi, je le suis aussi. Mais la fatigue ne nous absout pas de notre responsabilité et l'histoire nous jugera extrêmement sévèrement si nous détournons le regard sur l'usage injustifié d'armes de destruction massive d'un dictateur. Devant les caméras, tout laisse à penser que l'Amérique est prête à intervenir d'une manière ou d'une autre en Syrie. Pourtant, en coulisses, dans les conversations entre ambassadeurs et diplomates, aucune réponse définitive n'est apportée. Barack Obama doute. Le 30 août, le président américain annonce qu'il choisit de consulter lui aussi le Congrès et donc de reporter les frappes. Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps. Et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès. Malgré cette volte-face du président américain, on pense qu'il ne peut s'agir que d'un report. Les projections du vote au Congrès sont légèrement favorables au président grâce au soutien notamment de personnalités républicaines dont John McCain. À Paris, le ministre de la Défense laisse le dispositif en alerte. Pourtant, le temps n'est plus aux armes, mais à la diplomatie. À Saint-Pétersbourg, lors du sommet du G20, les 5 et 6 septembre, une autre route se dessine. Vladimir Poutine, principal allié du régime de Bachar al-Assad, récuse les accusations contre le régime et réclame des preuves. Lors de ce sommet, le président russe rencontre son homologue américain et lui propose un deal pour éviter les frappes. Le 9 septembre, la solution russe est présentée. Moscou propose le placement de l'arsenal chimique syrien sous surveillance internationale en vue de sa destruction. Le même jour, Bachar al-Assad intervient sur la chaîne américaine CBS lors d'une interview. Le dictateur syrien réaffirme que les accusations sur l'utilisation d'armes chimiques sont fausses et qu'aucune preuve n'existe, comme c'était le cas en 2003 en Irak. Cela me rappelle l'énorme mensonge de Colin Powell devant le monde entier à propos des armes de destruction massive en Irak. Il avait dit « voici nos preuves ». Il a donné de fausses preuves. Et aujourd'hui, Kerry n'a présenté aucune preuve. Il a dit qu'il en avait, mais il n'a rien montré. Le 12 septembre 2013, John Kerry et le représentant de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se retrouvent à Genève. Deux jours plus tard, ils annoncent un accord. Bachar al-Assad a une semaine pour présenter la liste de ses stocks chimiques. Alors que le dictateur syrien accepte l'accord et sacrifie son arsenal pour sauver sa tête, les enquêteurs de l'ONU, eux, poursuivent leurs travaux. Le 16 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présente au Conseil de sécurité le premier rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'attaque du 21 août dans la banlieue de Damas. Pour lui, il s'agit bien d'un crime de guerre. Le rapport établit des preuves flagrantes d'une attaque chimique sur une échelle relativement grande. Certes, mais qui est responsable de ce crime ? On ne sait pas, la mission onusienne n'avait pas pour mandat d'attribuer la responsabilité de l'attaque à l'une des parties en conflit. Pourtant, le rapport donne de nombreux indices sur l'identité de ceux qui ont utilisé des roquettes sol-sol. Or, seule l'armée syrienne en détient. Ce rapport n'est que la confirmation des informations déjà à la disposition des diplomaties. L'annonce du secrétaire général de l'ONU ne change rien. Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution encadrant la destruction de l'arsenal syrien du régime de Bachar al-Assad. La Syrie doit donc se débarrasser de l'intégralité de son stock chimique d'ici mi-2014. À la frontière de la Syrie, les victimes de l'attaque du 21 août 2013 pansent leurs plaies et épousent le destin des réfugiés, comme ces deux hommes qui se souviennent de cette nuit-là devant la caméra de Fabienne Lips-Dumas dans son documentaire « Le souffle de la guerre chimique ». Tout le monde est mort, même les jeunes enfants. Je les ai vus par terre. De la mousse leur sortait de la bouche. Si j'avais pu les sauver, je l'aurais fait. Mais ils étaient morts. Ils ne respiraient plus, c'était déjà des cadavres. J'ai essayé de les retourner. Ils ne bougeaient plus. Il y avait aussi des jeunes, morts aussi. On les a enterrés dans une fosse. Ça s'est passé il y a un an et demi et... Je me rappelle mes deux cousins qui sont morts. Le monde entier nous regardait mourir sous ces attaques à l'arme chimique. Malgré la résolution de l'ONU, le 21 avril 2014, la coalition nationale syrienne alerte une nouvelle fois le monde sur de nouvelles attaques chimiques. Elle déclare que les forces gouvernementales n'ont pas cessé d'employer ces armes. Selon eux, ils en auraient fait usage à 9 reprises depuis le début de l'année 2014, dont 6 fois au cours du mois d'avril. Par la voie des airs, à l'aide d'hélicoptères, des barils d'explosifs remplis de chlore à l'état gazeux auraient été largués, notamment à Asrata, Tamala et Astrahan. Un mois plus tard, le 23 mai 2014, une vidéo diffusée sur la toile montre une rue où l'on voit en effet un nuage jaunâtre et des gens courir et tousser. Un journaliste de l'agence Reuters est présent une heure plus tard dans ce village situé dans la province centrale de Hama. Il confirme la fumée jaunâtre et l'odeur de chlore. 5 mois plus tard, le 10 septembre 2014, les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques confirment qu'un agent toxique a été utilisé de manière systématique et répétée dans les villes du nord de la Syrie au début de l'année. En avril 2015, c'est l'ONG Human Rights Watch qui accuse le régime syrien d'avoir utilisé à 6 reprises des barils remplis de chlore dans le nord-ouest du pays, cette fois dans la province d'Idlib. L'ombre des attaques chimiques plane toujours sur les Syriens. En janvier 2014, nous avons découvert d'autres images d'un mal bien plus meurtrier quotidien du régime de Bachar al-Assad, la répression et les tortures jusqu'à la mort, rapportées par un ancien photographe de la police militaire syrienne qui a fait défection en 2013. Cet homme, qui répond au nom de Code César, avait pour mission, avec d'autres, de photographier les corps des cadavres, des opposants ou supposés opposants assassinés dans les prisons du régime. Chaque jour, il a fait des copies de ses archives au péril de sa vie, bien sûr. En décembre dernier, l'une de ses 45 000 photos a été publiée dans le journal Le Monde. On y voit trois rangées de corps squelettiques, masculins en sous-vêtements ou nus, tous morts et disposés sur le sol. Derrière le bruit des bombes et des combats, derrière les images des batailles urbaines entre opposants et fidèles du régime, derrière les choix diplomatiques des puissances étrangères en faveur de l'un ou l'autre camp, la machine de mort tourne sans cesse au cœur de la Syrie. Comme pour le massacre chimique de la Ghouta et ceux qui l'ont précédé et suivi, pourrons-nous dire que nous ne savions rien de cette mort qui s'abat dans les prisons du régime syrien, loin des champs de bataille? Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for a rubber plant to get rid of itself. It wears around. It wears around. It wears around. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tragédie syrienne, Alep, les armes chimiques et les armes conventionnelles également, on en parlera. Avec notre invité, Alaa Kodmani, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre journal partenaire, à qui d'ailleurs on doit rendre hommage pour le travail effectué sur la question syrienne, avec plusieurs unes la semaine dernière. Vous avez vraiment une décision éditoriale forte. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on a couvert Alep dès le départ de façon assez large. On a pu avoir des contacts sur place, recueillir des témoignages, etc. Et on a vu que nos lecteurs appréciaient. Donc oui, on est allé jusqu'au bout. Et puis vous savez que c'est aussi un enjeu international. Donc on a développé toutes les ces questions. Bien sûr. Alors, je ne voudrais pas créer d'effet de loupe. Nous avons décidé de parler de cette dimension terrible et inhumaine des armes chimiques, parce que ça a été le cas. Mais il faut rappeler quand même que l'essentiel des souffrances du peuple syrien, c'est par des tapis de bombes. Hein, voilà. Donc je ne voulais pas créer un effet de loupe sur les armes chimiques. Mais elles ont existé, évidemment. Alors, avant d'aborder la situation aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire, si vous voulez bien. Quelle est la place symbolique, historique et finalement réelle d'Alep au sein du pays? Ça n'a pas été la première ville à se soulever, elle n'a pas été l'épicentre de la révolution manquée. Pourquoi cet acharnement sur cette ville-là? Bon, Alep, symboliquement tout de même, c'est la deuxième ville du pays. Oui. C'est-à-dire Damas à Alep, c'est la capitale économique. Oui. L'acharnement, il est venu surtout, je crois, d'une décision russe pour remettre en selle vraiment le régime de Bachar el-Assad. Il fallait absolument qu'il contrôle les principales villes. Et il ne fallait pas qu'une partie de la deuxième ville puisse lui échapper. Donc ça a été le lieu de la démonstration de force et de l'affirmation un petit peu de la reconquête absolue par le régime de cette partie. Et c'est ça qui explique, je crois, la résistance d'Alep. Si je peux ajouter autre chose aussi à propos bien d'Alep, sûr, c'est que quelque part, cette partie d'Alep, parce qu'on est bien en train de parler d'une moitié de la ville, hein, la moitié qui était passée hors du contrôle du régime et donc sous le contrôle de l'opposition armée depuis 2012 pratiquement. Et dans cette partie de la ville, malgré les bombardements pratiquement incessants, la vie s'était organisée. C'est-à-dire que la population de la ville, il y avait une vraie société civile, tout a été organisé, il y a eu un conseil local élu, des services pour l'éducation, pour la santé, pour même le ramassage des ordures, les services municipaux, et même en pleine guerre, les choses fonctionnaient. Et ça a été une constante du régime de Bachar el-Assad. À chaque fois que la vie s'est organisée dans une région qu'il ne contrôlait plus, il s'est absolument obstiné à la détruire, à bombarder, pour que montrer qu'il n'y avait pas d'alternative possible à son pouvoir. Et alors, ça veut dire que une partie d'Alep a vécu et vit encore dans la guerre, alors que l'autre partie vivait, j'ose pas dire, en temps de paix, hein, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, pas sous les bombardements. Donc c'est une ville où il y a deux vies comme ça qui sont tellement, tellement, tellement éloignées. Absolument, c'est une ville qui a été coupée en deux pendant 4 ans, dont une partie donc était régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, parce qu'il y a eu des phases de va-et-vient, bombardées par l'aviation ou par l'artillerie. L'autre partie, où se trouve quand même plus d'un million ou 1,5 million de personnes. Bon, il y a la ligne de front qui a été quand même touchée, où les habitants ont été touchés quand il y a eu des combats des deux côtés de la ville. Mais sinon, la vie continue, elle est sous contrôle du régime, son armée, sa police, ses services, les écoles fonctionnent. Évidemment, c'est difficile, il y a des pénuries, les prix sont très chers, il y a des coupures d'électricité ou d'eau, etc. Mais on ne reçoit pas de bombes sur la figure et on ne risque pas de perdre sa maison d'un jour à l'autre. Alors, au début, ce sont les membres de l'armée syrienne dite libre, hein, qui tiennent la ville. Puis, dès l'été 2013, les membres de Daesh prennent également position. L'opposition armée à Alep est-elle à l'image de la guerre civile en Syrie, c'est-à-dire multiple et parsemée à tel point que parfois, les gens qui s'intéressent à ce conflit ont du mal à comprendre. Est-ce que cette opposition multiple et parsemée, on la retrouve à Alep? C'est ce qui rend la compréhension si difficile. Il est certain que ce problème de la division de l'opposition armée ou des groupes armés opposés au régime syrien a causé leur perte. Comme on le voit maintenant à Alep. Il a causé leur perte parce que ces divisions ont permis des surenchères, ont permis à différentes parties extérieures de soutenir les uns ou les autres au choix, des rivalités, et finalement à une absence d'adhésion, surtout à l'international. Donc, et ça a été un argument, l'argument massue utilisé notamment par les Russes, du fait de la présence de quelques centaines de combattants d'un groupe affilié à Al-Qaïda, donc djihadiste à Alep, on a finalement sacrifié toute la population, 270 000 habitants d'Alep Est, à cause de la présence de quelques centaines de combattants. Il est certain que c'est un élément fondamental. Cela dit, dans le cas d'Alep, entre autres, mais d'autres, il faut savoir que la très grande majorité des combattants qui étaient à Alep, ce sont des gens d'Alep. Ce ne sont pas des combattants professionnels, ce ne sont pas des déserteurs de l'armée, ce sont des Alepins qui ont pris les armes pour s'opposer au régime à un moment donné. Et c'est pour ça qu'ils sont restés jusqu'au bout, avec leur famille, et qu'ils ont connu le sort qu'ils ont connu. Parce qu'ils se retrouvent en face de forces gouvernementales, aidées par les Russes, mais aussi par des milices, je pense au Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran, hein, et qui avait déjà sévi au Liban, hein, parce que le Hezbollah, c'est le bras armé de l'Iran au Liban, on est d'accord. Mais une armée de mercenaires qui peut aller se battre ailleurs, et notamment à Alep. Donc il y a tout cet écheveau, là, également. Oui, oui, c'est-à-dire que, bon, il y a longtemps que l'armée du régime, en tant que telle, n'a plus du tout les moyens. C'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup de terrain avant, et c'est pour ça que les Russes sont intervenus. L'armée du régime n'a donc pas du tout les moyens de vraiment reprendre les choses en main. Et il y a longtemps, je veux dire, ça fait 3-4 ans, que ce sont des milices, alors le Hezbollah en grande partie, mais directement aussi des milices iraniennes, des milices des gardiens de la révolution, aussi des milices irakiennes chiites, bon, souvent sur une base communautaire. On a même vu à Alep, il y a eu des Afghans chiites qui étaient amenés par les Iraniens. Donc bon, c'est tout un certain nombre de groupes coordonnés en général par les Iraniens sur le sol. Bon, tout ça pour dire que quelque part, l'armée syrienne ou l'armée du régime a perdu le contrôle des opérations. C'est pas du tout entre ses mains. Et ce sont eux qui ont vraiment livré le combat. Alors, revenons sur ce qui était le cœur de notre récit, le comportement de Barack Obama. Comment expliquer cette volte-face, ce retrait laissant libre champ, hein, d'abord à la Russie, puis aussi à l'Iran. C'est quoi cette doctrine? Je crois que c'est l'absence de doctrine, surtout. Bon, on l'a souvent expliqué, Obama est arrivé pour faire de l'anti-Bush. C'est-à-dire, au lieu de l'interventionnisme agressif de Bush en Afghanistan ou en Irak, Obama s'est fait élire pour faire justement le retrait. Mmh. Et il l'a fait d'ailleurs, hein, en Afghanistan, puis en Irak. Donc, engagé dès le départ sur une position de « je veux désengager les États-Unis des théâtres de guerre, et notamment du Moyen-Orient », ce conflit syrien est devenu très embarrassant pour lui. Et dès le début, il n'a jamais su comment se comporter avec ce conflit qui tout simplement l'ennuyait vraiment, parce qu'il ne savait pas. Il voulait ni faire de l'interventionnisme, ni non plus céder et accepter ce que faisait imposer la dictature de Bachar el-Assad. Donc on a assisté à une longue rhétorique anti-dictature de Bachar el-Assad, mais après ça, il fallait aussi, après la rhétorique, les actions pour empêcher qu'il gagne, ou du moins qu'il puisse faire ce qu'il peut, ce qu'il voulait, et notamment l'utilisation des armes chimiques. Et je crois que, je me souviens, au moment où il avait prononcé le discours dont on a entendu un extrait disant, menaçant, traçant cette fameuse ligne rouge en 2012, à ce moment-là, les Syriens ont réagi, ont dit, ah ben d'accord, donc toutes les autres armes, c'est autorisé, on peut nous tuer avec toutes les autres armes, mais pas chimiques. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à l'hypothèse apparemment absurde de dire que, par rapport à ce que nous annonce M. Trump, Barack Obama aurait préparé, sans le vouloir, le terrain de Trump, qui lui est vraiment sur une ligne très claire, pour le coup, les États-Unis n'ont pas à intervenir là où il n'y a pas d'intérêt pour eux, hein, nous on va faire des affaires, point. Oui, non, mais je crois que bon, Trump arrive sur un terrain balisé. Ouais. Obama a complètement préparé les choses. En plus, maintenant, avec l'avantage décisif que les Russes ont pris sur le terrain, il y a pas grand-chose à faire. Trump étant un petit peu proche quand même des idées de Poutine là-dessus, n'ayant véritablement aucun intérêt particulier pour la Syrie ou pour la région, oui, je crois qu'il va falloir compter sans les États-Unis quelque part dans toute l'équation syrienne. Changement d'époque hein, tout de même. Ça va être Mais je crois que la Syrie, fois... je crois ouais. que le conflit syrien marque absolument. Ouais. Un changement d'époque, un tournant dans les relations internationales et dans l'équilibre des forces. On le verra, bon, c'est toujours a posteriori que les historiens disent, comme en 56 au moment de Suez, ah bah c'est fini. Les grandes puissances n'est plus la Grande-Bretagne et la France, c'est devenu les États-Unis et l'URSS. Et là, je crois que la Syrie, c'est absolument le moment où on va dire, bon, l'hyperpuissance américaine dont on parlait au lendemain de la chute de l'Union soviétique, maintenant, a été vraiment stoppée quelque part. Et supplantée par la Russie ou pas ? Je ne sais pas supplantée, parce que la Russie... C'est l'enjeu pour Poutine, là, quand même. Oui, c'est l'enjeu. C'est le grand jeu. C'est le... Bon, c'est ce que Poutine veut, bien sûr. Mmh. C'est comme ça qu'il présente les choses. Voilà, c'est le retour de la grande Russie. C'est le retour de la puissance de l'URSS sans le communisme. Hein. Voilà, c'est ça. De la puissance de eux-mêmes, de la Russie, on va dire, tsariste. Oui. Et bon, c'est évidemment ça. Maintenant, le problème, c'est que... Il est certain qu'il profite surtout de la faiblesse des autres, de n'avoir pas grand monde en face qui lui tienne tête, et non pas d'une véritable puissance justifiée. Bon, c'est trop facile de s'imposer en Syrie. C'est trop facile contre ceux dont on a parlé, là, les rebelles ou djihadistes ou n'importe qui sont finalement peu de choses. Dernier point de géopolitique, parce que c'est important, la pédagogie sur ce point-là, tout ce que représente comme enjeu ce conflit syrien, il y a l'Iran. Alors, quel jeu joue l'Iran, puisqu'à travers le Hezbollah, l'Iran est présente dans ce conflit ? Ah, je crois que c'est fondamental. Là, on n'en parle pas de la victoire de l'Iran, mais je crois non seulement que l'Iran marque des points, l'Iran est complètement déterminé à avoir une puissance régionale très élargie. Et bien au-delà d'ailleurs de sa rivalité qu'on dit avec l'Arabie Saoudite et entre sunnites et chiites, etc. Non, je crois que l'Iran a vraiment une ambition qu'elle met en action. D'être une parce puissance que là, régionale. Elle est engagée, je veux dire, pour garder... la Syrie dans son giron, parce que ça fait des années que c'est le cas, hein, que la Syrie est dans la zone d'influence iranienne, comme l'Irak d'ailleurs. Après le retrait américain, finalement, l'Irak est tombé sous l'influence. L'Iran peut remercier Bush maintenant d'avoir lâché.